faudra des années pour que nos rimes se colorent du bleu profond des sentiments, de l'insouciance perdue. Il en faudra des années. Il en faudra des années. Il en faudra du courage pour se serrer la main, sans supporter à la ceinture le poids de l'arme blanche. Il en faudra du courage. Il en faudra du courage. Bilimbambi, balamba, bilimbambi. Il en faudra de l'audace pour lapider nos vieux démons et faire de nous les matadors d'une arène fabuleuse. Il en faudra de l'audace. Il en faudra de l'audace. Combien de mots pour le dire? Écrivons notre histoire en mesure. Combien de roses à cueillir? Chacun le sait, le murmure. Bilimbambi, balamba, bilimbambi. Il en faudra de l'amour pour apprendre à nous aimer au fil des lignes aériennes que nous tend le ciel. Il en faudra de l'amour. Il en faudra de l'amour. Combien de mots pour le dire? Écrivons notre histoire en mesure. Combien de roses à cueillir? Chacun le sait, le murmure. Il faudra des bourrasques, du vin sur la table, une fleur de lys pour chaque rêve. Pensez aux absents qui n'ont pas toujours tort. Marie-Madeleine à ses apôtres. Combien de mots pour le dire? Écrivons notre histoire en mesure. Combien de roses à cueillir? Chacun le sait, le murmure. Combien de mots pour le dire? Écrivons notre histoire en mesure. Combien de roses à cueillir? Chacun le sait, le murmure. Chacun s'enfuit au loin.